Que va-t-on faire cet après-midi? Où va-t-on aller? Si vous êtes dans la région Champagne-Ardenne, eh bien voici la bonne idée balado avec Jean-Michel Maman. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Stéphane. Jean-Michel des guides balado. Hein. Vous venez nous voir chaque dimanche, chaque samedi également pour nous donner une idée. Et aujourd'hui donc nous allons faire rêver tout le monde avec une fée qui va exaucer nos vœux, c'est ça? Voilà, une fée de carton. C'est une sœur de Linda de Souza, il y a quelque chose comme ça? Non, voilà, c'est elle qui a fabriqué la valise, la fameuse valise. Mais en claquant des doigts ou en faisant ding ding ding. Voilà, avec son nez, hein, c'est ça, la petite sœur de Samantha, pour ceux qui connaissent. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est Catherine Ménardi qui, dans fin fond de l'Aube, a créé un petit atelier où elle vous accueille une demi-journée. Et dans cet atelier, elle vous fait fabriquer des meubles en carton, matière très résistante. Oui, alors tout ça, c'est... Mais pourquoi c'est une fée? Alors, c'est quoi cette histoire-là? Parce qu'elle a fait un petit jeu de mots avec fée de carton. Ah. Ça aurait pu être fait de papier ou de verre. Mais ah, d'accord, ouais, d'accord. Ouais. Très, très bien. Et donc là, on y va avec des enfants. J'imagine c'est plutôt une animation pour les enfants. On va créer quoi? On va créer des petites... Avec des enfants, je dirais à partir de 11 ans et plus, hein, tout de même, parce qu'on va quand même pour bosser. On ne la regarde pas faire. Hein. On a payé son inscription. C'est vrai qu'il coûte quand même 80 euros. Mais il faut savoir qu'on repart avec un meuble. Donc, on a confectionné soi-même. Donc, ce n'est pas si cher que ça, finalement. On peut tout faire avec du carton? Il semblerait, puisque la cartoniste vous aide à assembler la structure en croisillon. Et là, on peut faire des tables, des chaises. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour en avoir vu, c'est vraiment très résistant. On peut faire des étagères. Hein, on peut faire des... Toute sa cuisine. Voilà, bien sûr, sa cuisine équipée. Bien, oui, c'est vrai, on peut encastrer des fours dedans, évidemment. Absolument, hein. Essayez aussi de faire une voiture. Vous dites un peu n'importe quoi, là. Oui, je pense qu'elle ne va pas aussi loin, Catherine, mais elle fait des choses superbes. Et en plus, ce sont des meubles écolos, donc dans la tendance. Et oui, en plus, il y a de grandes forêts en Champagne-Ardenne. Donc le bois doit venir de là-bas. Ah, c'est ça, Jean-Michel. Je ne saurais vous dire d'où vient le carton, mais c'est probablement de la région. Vous faites... C'est ça, c'est ce qui est formidable avec vous, c'est que chaque samedi et chaque dimanche, vous faites un carton, vous. Je crois, c'est ça. C'est très bonne blague. Très, très bonne blague. Jean-Michel, moi, je voudrais savoir où on va retrouver toutes ces infos-là. Comment on fait pour en savoir plus? Est-ce qu'il y a un guide qui existe, Jean-Michel? Alors, il y a un seul et très bon guide, le guide Balado Champagne-Ardenne. Et on retrouve ça également sur Internet, balado.fr, entre autres. Mais évidemment. Et si on veut podcaster cette chronique, on va sur francebleu.com, bien entendu. On se retrouve le week-end prochain. Merci à vous, Jean-Michel. À bientôt. Merci, Stéphane.